C'est parti, mon kikirette, ça. Ça fait longtemps que je l'avais déjà vu. C'est Mélissa. Marlène Dupuis, ouais. L'instigatrice d'Adult No More au Québec. Donc, eux autres, ils ont adopté la plume rouge. Je sais pas si vraiment... fait un lien avec quelque chose qui s'est passé récemment, là, Je sais pas. Qu'est-ce qui arrive avec Madame Pillsbury, là? Celle qui mange des cups de soupe. Qu'est-ce qui arrive avec elle? Je sais pas. Elle mange la soupe, là. Tout va bien. Son combat. Tout va très bien. Ouais, ça va bien.